قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة التاسعة عشر 19e مسألة في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب et que Allah appartient le levant et le couchant سورة البقرة verset 115 قال أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وسناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله فلا يقسم برب المشارق والمغارب وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Donc il dit dans ce verset là, cité là, là dans sourate al-Baqara, que Allah a cité le levant et le couchant de façon au singulier. D'accord ? Le levant et le couchant. Dans sourate al-Rahman, il a cité au duel le Seigneur des deux levants et des deux couchants, verset 17. Et il l'a mis au pluriel dans sourate al-Ma'arij en disant dans le sens que je jure par le Seigneur du levant, des levants et des couchants. Verset 40. Et également, il a apporté au pluriel al-Mashaliq, les levants, dans surat Safat. Dans sa parole, il dit dans le sens, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux, et Seigneur des levants. Verset 5. Donc, tantôt on a un pluriel, tantôt on a un duel et tantôt on a un singulier. والجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360 وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره. Donc maintenant, c'est quoi la réponse? Lorsque Allah Azza wa Jalla l'a cité au singulier, ce qui est voulu par là, c'est la nature, en fait, des levants et du couchant. C'est-à-dire, tout ce qui est appelé levant ou couchant, levant du soleil, qui a lieu 360 fois, et également tout couchant, qui a lieu au même nombre, comme l'a cité Ibn Abbas. C'est-à-dire que là, elle, c'est le djinn pour la nature. Comme si on dirait, mathalan, l'homme, l'exemple souvent que les ulama ici dans le fiqh, al-rajul khayrun min al-mar'a. L'homme est meilleur que la femme. On veut dire quoi par là? Que la nature de l'homme, le genre masculin est meilleur que le genre féminin. C'est comme si on disait al-rijal khayrun min al-nisa. Les hommes sont meilleurs que les femmes. Maintenant, ça c'est quoi pareil? Ce n'est pas tous les hommes, mais c'est le genre masculin. Kadhalik. Puis c'était une parole de Ibn Jarir allant dans ce sens également, mais qui sera un peu difficile à traduire, donc je ne la citerai pas. Après il dit wa qawluhu rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn, dans le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Sourate Ar-Rahman verset 17. Yani mashriq ash-shita wa mashriq as-sayf wa maghribihima. Kama عليه الجمهور وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. Donc il y en a, ils ont dit quoi? Que les deux levants, les deux couchants, comme l'ont dit la plupart des ulama, ils veulent dire quoi par là? Le levant de l'été et de l'hiver et le couchant de l'été et de l'hiver. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. Ça a été interprété comme cela. Et d'autres, ils ont dit que c'est le levant du soleil et de la lune, et le couchant du soleil et de la lune. Donc ça, ça revient en duel, à deux choses. Quant au pluriel, وَقَوْلُهُ بِرَبِّ الْمَشَالِقِ وَالْمَغَارِبِ, par le Seigneur des levants et des couchants, verset 40 de Al-Ma'arij, أي مَشَالِقِ الشَّمْسِ وَمَغَارِبِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ مَشَالِقُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ وَمَعَلِبُهُمَا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Donc là, le pluriel, ça revient à quoi? À ce qu'on a dit en premier. Que le « L », il est « L » d'insiya pour la nature. Et ce « L », on peut l'appliquer sur le féminin, sur le masculin. On peut l'appliquer sur le singulier comme pour le pluriel. Comme l'exemple que j'ai donné, par exemple, avec les hommes. On dit Ar-rajul khayrun min al-mar'ah. L'homme est meilleur que la femme. C'est-à-dire, le genre masculin est meilleur que le genre féminin. Tout comme on peut dire Ar-rijal khayrun min an-nisa. On peut le dire au pluriel également, ça revient au même sens. Donc là, l'auteur dit que le pluriel revient au sens de quoi? Des jeans. Comme dans la première réponse. Et d'autres, ulama, ils ont dit que ce sont les levants et les couchants du soleil, de la lune et des astres, des autres planètes, ainsi que leurs couchants d'âme. Et la science est auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà par quoi a clôturé l'auteur comme réponse par rapport à ces versets. Naam. Fa ila huna, walhamdu rabbil alamin.